Érasme de Rotterdam à son cher Thomas Morus. Salut. Ces jours derniers, voyageant d'Italie en Angleterre et devant rester tout ce temps à cheval, je n'avais nulle envie de le perdre en ces banals bavardages où les muses n'ont point de part. J'aimais mieux méditer quelques points des études qui nous sont communes, ou bien j'évoquais les bons amis que j'ai quittés. J'en ai de si savants et de si exquis. Des premiers, ô Morus, tu te présentais à ma pensée. Ton souvenir, cher absent, m'est plaisant comme le fut jadis ta présence familière. Et que je meure si j'ai jamais eu dans ma vie de joie plus douce. Voulant donc m'occuper à tout prix, et les circonstances ne se prêtant guère à du travail sérieux, j'eus l'idée de composer par jeu un éloge de la folie. Quel palace, diras-tu, te l'a mis en tête ? C'est que j'ai pensé d'abord à ton propre nom de Morus, lequel est aussi voisin de celui de la folie, Moria, que ta personne est éloignée d'elle. Tu es même, de l'aveu de tous, son plus grand adversaire. J'ai supposé ensuite que cet amusement de mon esprit gagnerait ton approbation, parce que tu ne crains pas un genre de plaisanterie qu'on peut rendre docte et agréable, et que, dans le train ordinaire de la vie, tu tiens volontiers de Démocrite. Certes, la profondeur de ta pensée t'éloigne fort du vulgaire. Mais tu as tant de bonne grâce et un caractère si indulgent que tu sais accueillir d'humbles sujets et t'y plaire. Tu recevras donc avec bienveillance cette petite déclamation comme un souvenir de ton ami et tu accepteras de la défendre puisqu'elle n'est plus à lui, mais à toi par sa dédicace. Les détracteurs ne vont point manquer. Les uns prétendront que ces bagatelles sont les unes plus légères qu'il ne sied à un théologien, les autres trop mordantes pour ne pas blesser la réserve chrétienne. Ils crieront sur les toits que je ramène à l'ancienne comédie et à Lucien, et que je déchire tout le monde à belles dents. En vérité, ceux qu'offensent la légèreté du sujet et ce ton de plaisanterie devraient bien songer que je n'innove en rien. De grands auteurs en ont fait autant. Il y a des siècles, Homère s'est amusé au combat des rats et des grenouilles, Virgile au Culex et au Moretum, Ovide à la Nux, Polycrate à louanger Busiris, Schizocrate Flagella, Glaucon écrit l'éloge de l'injustice, Favorinus celui de Tersite et de la fièvre carte, Synésius de la calvitie, Lucien celui de la mouche et du parasite. Tandis que Sénèque a composé une apothéose de Claude, Plutarque s'est plu de même à faire dialoguer Ulysse et Grillus, Lucien et Apulée se sont divertis avec leur âne et je ne sais qui avec le testament d'un cochon de lait nommé Grunius Corocotta, dont fait mention saint Jérôme. Si mes censeurs y consentent, qu'ils se figurent que j'ai voulu me distraire à jouer aux échecs ou comme un enfant à chevaucher un manche à balai. Chacun peut se délasser librement des divers labeurs de la vie. Quelle injustice de refuser ce droit aux seuls travailleurs de l'esprit ! Surtout quand les bagatelles amènent au sérieux, surtout quand le lecteur, s'il a un peu de nez, y trouve mieux son compte qu'à maintes dissertations graves et pompeuses. Tel compile un éloge de la rhétorique ou de la philosophie, tel autre le panégyrique d'un prince ou une exhortation à combattre les Turcs. Il y a des écrivains pour prédire l'avenir, d'autres pour imaginer des questions sur le poil des chèvres. Rien n'est plus sot que de traiter avec sérieux de choses frivoles. Mais rien n'est plus spirituel que de faire servir les frivolités à des choses sérieuses. C'est aux autres de me juger. Pourtant, si l'amour-propre ne m'égare, je crois avoir loué la folie d'une manière qui n'est pas tout à fait folle. À qui me reprocherait de mordre, je répondrai que l'écrivain eut toujours la liberté de railler impunément les communes conditions de la vie, pourvu qu'il n'y fît pas l'enrager. J'admire la délicatesse des oreilles de ce temps qui n'admettent plus qu'un langage surchargé de solennelles flatteries. La religion même semble comprise à l'envers, comme on voit des gens moins offusqués des plus gros blasphèmes contre Jésus-Christ que de la plus légère plaisanterie sur un pape ou sur un prince, surtout s'il mange son pain. Critiquer les mœurs des hommes sans attaquer personne nominativement, est-ce vraiment mordre ? N'est-ce pas plutôt instruire et conseiller ? Au reste, ne fais-je pas sans cesse ma propre critique ? Une satire qui n'accepte aucun genre de vie ne s'en prend à nul homme en particulier, mais au vice de tous. Et si quelqu'un se lève et crie qu'on l'a blessé, c'est donc qu'il se reconnaît coupable, ou tout au moins s'avoue inquiet. Dans ce genre, saint Jérôme s'est montré plus libre et plus âpre, et parfois sans épargner les noms. Je me suis abstenu pour ma part d'en prononcer un seul. Et j'ai tellement modéré mon style que le lecteur intelligent verra sans peine que j'ai cherché à amuser, nullement à déchirer. Je n'ai pas, comme Juvénal, remué les goûts des vices cachés. Je n'ai pas catalogué les hontes, mais les ridicules. S'il reste un obstiné que ses raisons n'apaisent point, je le prie de songer qu'il est honorable d'être attaqué par la folie, puisque c'est elle que je mets en scène avec tous les traits de son personnage. Mais pourquoi tant d'explications à un avocat tel que toi, qui plaides en perfection les causes même médiocres? Je laisse à ta maîtrise le soin de défendre cette Moria qui est ton bien. Adieu Maurus très éloquent. À la campagne, le 9 juin 1508.